Chapitre 15. Ce changement de physionomie n'avait point échappé à Robert, qui, après avoir trouvé qu'elle était trop gaie pendant la première partie du dîner, trouvait maintenant qu'elle était trop triste. Pourquoi ce brusque changement? Tout d'abord, il s'était douloureusement demandé ce qui pouvait provoquer chez elle cet entrain de joie et cet éclat de beauté, alors qu'elle devrait être triste et sombre. Et longuement, en l'observant à la dérobée de ses yeux mobiles qui ne la quittaient presque pas, il avait examiné cette question pour lui si cruelle. Qui la surexcitait ainsi? Était-elle réellement, sincèrement joyeuse, comme elle paraissait l'être? Voulait-elle plaire à l'un de ceux qui étaient assis à sa table? À qui? Et il avait suivi ses regards, qui bien souvent, lui semblait-il, s'étaient fixés sur le marquis Colliot, placé à côté de Marcel. Alors il s'était inquiété de l'expression de ses regards, qu'il trouvait trop tendre, trop encourageant. Ce n'était pas de ce jour que la présence de ce bel Italien, si charmant, le faisait souffrir, et bien souvent elle lui avait inspiré des accès de jalousie qui n'avaient cédé que devant les protestations et les témoignages d'amour de sa maîtresse, le plaignant, le rassurant toujours, sans se fâcher jamais. Mais maintenant, loin de le rassurer ou de le plaindre, elle voulait rompre, et en un pareil moment, elle se montrait bien attentionnée pour ce bel évangélista, qui lui-même paraissait beaucoup plus sensible aux charmes de la mère qu'à ceux de la fille. Dans cette rupture qu'elle voulait, ou tout au moins dans l'éloignement momentané qu'elle exigeait, le marquis Colliot n'était-il pour rien? N'était-ce pas lui qui allait prendre la place qu'elle cherchait à faire libre? Robert était d'une nature jalouse, et son imagination, prompte à s'alarmer, allait facilement et rapidement aux extrêmes. Cependant, il aimait si profondément sa maîtresse, elle avait su lui inspirer une telle foi, elle avait su lui inspirer une telle confiance en son amour et en sa fidélité, qu'il avait rejeté loin de lui cette idée lorsqu'elle s'était présentée à son esprit. Qu'elle le trompât, c'était impossible. Qu'elle ne l'aimât plus, c'était plus impossible encore. Il devait réagir contre les impressions d'une imagination affolée. Il n'avait pas dormi. La fièvre le dévorait. C'était lui, bien certainement, qui se trompait. Ce ne pouvait pas être elle qui le trompait. Avant de croire, il fallait voir et bien voir. Alors il avait regardé, mieux regardé, et il avait cru remarquer qu'Evangelista, qui tout d'abord avait été assez froid pour Marcel, s'était peu à peu échauffé et qu'il en était venu à négliger la mère pour s'occuper de la fille, riant avec celle-ci, se faisant empresser auprès d'elle, aimable et tendre, un homme qui cherche à plaire et qui veut être brillant. Cela l'avait rassuré et il s'était fâché contre lui-même d'avoir pu écouter tout d'abord les suggestions mauvaises de son esprit enfiévré. C'était un futur gendre que Madame Fourcy regardait dans Evangelista, rien qu'un gendre. Mais quant à la gaieté de Madame Fourcy, avait succédé une sombre préoccupation, il était de nouveau revenu à son inquiétude et à ses angoisses. Pourquoi ce brusque changement? N'était-ce point parce que le marquis Colliot se montrait maintenant si empressé auprès de Marcel? La mère n'était-elle pas jalouse de sa fille? Il est vrai que jusqu'à l'arrivée de la parisière, Madame Fourcy avait gardé sa gaieté, et que pour raisonner juste, il fallait examiner quelle influence cette arrivée avait pu exercer sur ce changement d'humeur. Et alors, abandonnant Evangelista, toute son attention s'était portée sur la parisière, et il ne lui avait pas fallu longtemps pour constater que certains signes s'échangeaient entre celui-ci et Madame Fourcy. Imperceptibles pour les indifférents, ces signes n'étaient que trop visibles pour lui, qui avait d'autres yeux que les convives assis autour de cette table et plus attentifs à ce qu'on leur servait qu'à ce qui se passait autour d'eux. À les bien étudier l'un et l'autre, il semblait que pour Madame Fourcy, il n'y avait plus que la parisière qui existât, et que pour celui-ci, il ne s'inquiétait que de Madame Fourcy. Évidemment, elle l'interrogeait, et lui, de son côté, il lui répondait. Que disait-il? Quel sujet pouvait être assez grave pour les absorber à ce point qu'il prenait si peu souci de ceux qui les entouraient? 10 fois, 20 fois, il avait surpris le regard interrogateur de Madame Fourcy, tourné du côté de la parisière. Et bien qu'elle se vît observer, Elle n'avait même pas pris la peine de se contraindre. Que lui demandait-elle avec cette étrange insistance? Il n'était pas possible pour lui d'admettre qu'il s'agissait d'affaires entre eux et que ces affaires avaient un rapport quelconque avec la catastrophe d'Ennecard. Madame Fourcy avait pour les affaires le même dédain que lui, et s'intéressa-t-elle à Ennecard ou à ses spéculations qu'elle n'aurait pas de raison pour n'en point parler franchement et ne pas interroger la parisière tout haut. Si une exclamation lui avait échappé à l'annonce du suicide et du désastre d'Ennecard, et bien d'autres s'étaient écriés comme elle, elle n'avait cependant pas adressé à la parisière une seule question à ce sujet, preuve bien évidente qu'il ne la touchait pas. Il y avait donc autre chose. Quoi ? Si Robert n'admettait que difficilement les affaires d'intérêt, par contre il était toujours disposé à croire aux affaires de sentiment, les seules d'ailleurs qui comptassent pour lui et eussent de l'importance. Quelles affaires de sentiment pouvaient exister entre une femme charmante comme sa Geneviève et un sapajou comme la parisière, un vrai singe au front bas et fuyant, aux bajoues pendantes, au menton de galoche, qui ne savait ni marcher ni s'asseoir, et qui était toujours en mouvement avec ses grands bras ballants et ses mains retroussées, comme s'il se disposait à sauter sur une branche en emportant quelque chose qu'il aurait volé. Cela, il ne le croyait pas, il ne le devinait pas tant la chose eût été monstrueuse. Et cependant, il fallait bien qu'il y eût entre eux quelque affaire grave, où leur entente ou leur signe ne s'expliquait pas. Tant que dura ce dîner, il ne les quitta pas des yeux, tâchant de deviner ce mystère, mais sans arriver à autre chose qu'à constater cette entente aussi clairement que s'il l'avait avouée tout haut. Après le dîner, on devait tirer un feu d'artifice, car Lucien, resté très jeune, avait la passion des feux d'artifice qu'il préparait lui-même en partie et qu'il tirait toutes les fois qu'il en trouvait l'occasion, avec un plaisir toujours nouveau. À la fête de son père, à la fête de sa mère, à la fête de sa sœur, à sa propre fête, réservant toujours le plus beau et le plus riche pour l'anniversaire du mariage de ses parents, ainsi que cela se devait, puisque c'était la grande fête de la famille. En sortant de table, on alla donc s'asseoir dans le jardin sur des chaises qui avaient été préparées en face de la pelouse, à l'extrémité de laquelle le feu d'artifice devait être tiré. Et Madame Fourcy prit place à côté de M. Charlemont, qui lui avait donné le bras pour la conduire. « Tu viens m'aider, n'est-ce pas ?» demanda Lucien à Robert. « Assurément. » Et il suivit Lucien. Mais bientôt il resta en arrière, car il ne voulait pas perdre Madame Fourcy de vue. En se cachant dans un massif d'arbustes, il pouvait l'observer sans être vu lui-même. Elle ne resta pas longtemps à sa place, et quittant M. Charlemont, elle alla auprès d'un autre de ses convives avec qui elle s'entretint quelques instants. Puis, abandonnant celui-là aussi, elle passa à un troisième. Elle était ainsi arrivée au commencement de l'allée qui justement longeait le massif d'arbustes dans lequel Robert était caché, et la parisière se tenait là, comme par hasard. Tous deux en même temps, ils disparurent dans l'allée qui, avant de venir à lui, faisait une courbe. Que devait-il faire ? Fallait-il qu'il s'avançât doucement sous bois pour surprendre leur entretien, ou bien ne valait-il pas mieux qu'il les attendît au passage ? Aller jusqu'à eux était plus sûr, mais à condition toutefois que le bruit ne le trahît pas, ce qui n'était guère probable. Comment se justifierait-il auprès de Geneviève s'il était découvert ? Il attendit. Bientôt, un bruit de pas sur le gravier de l'allée et un murmure de voix étouffées lui annoncèrent qu'ils approchaient. Sa respiration se suspendit un moment et il écouta en regardant. Ils marchaient à côté l'un de l'autre, mais sans se donner le bras, et rien dans leur attitude ne trahissait l'intimité de deux amants. C'était la parisière qui parlait, en appuyant ses paroles par un mouvement rapide de la main droite, comme s'il frappait et refrappait sur quelque chose. Enfin, Robert entendit faiblement, puis plus distinctement. « Vous n'en serez pas quitte à moins de 300 000 francs. Vous devez le comprendre sans que j'aie besoin de vous recommencer le calcul. C'est une grosse somme, vraiment, mais vous conviendrez que ce n'est pas ma faute si vous l'avez perdue. Pourquoi n'avez-vous pas voulu me croire quand je vous ai dit que Ennecard sombrerait ?»« Parce que j'avais des renseignements qui m'inspiraient confiance. Vous voyez bien que Fourcy n'avait pas cette confiance. » Vous ne l'avez pas cru, plus que vous ne m'avez cru. Et voilà. Mais ce n'est pas tout ça. Quand me donnerez-vous ces 300 000 francs ? Je ne les ai pas.

mais il avait renoncé à cette idée trop plate. Le coup de théâtre valait mieux. Il était plus original, et puis il promettait des joies plus grandes. À la vérité, ce moyen avait cela de mauvais qu'il la laissait plus longtemps livrée à l'angoisse. Mais serait-elle vraiment à l'abri de l'angoisse, pendant qu'elle le saurait à Paris, à la recherche de cet argent? S'il ne revenait pas tout de suite, ne s'imaginerait-elle pas qu'il n'avait pas réussi, qu'il ne pourrait pas réussir? Le lendemain matin, il se leva donc de bonne heure, pendant que la maison était encore endormie, et il prit un des premiers trains pour Paris. Chapitre 17. À 7h30 du matin, il descendait de voiture, rue Saint-Marc, devant la porte de Carban. La rue était déserte encore, les boutiques étaient closes. Seule une laitière, qui était en même temps fruitière, avait installé ses brocs de fer battus et ses paniers de légumes sous la porte de la cour. Et sur un tabouret, elle se tenait là, en marmotte, les joues hâlées par le grand air et le soleil de la campagne, n'ayant aucune ressemblance avec les femmes pâles et étiolées, aux yeux bouffis, aux cheveux ébouriffés et sans chignon, qui, traînant des jupons sales sur leurs savates, venaient lui acheter leurs 2 sous de lait. Le concierge n'était pas encore levé, mais Robert n'avait pas besoin de demander l'adresse de Carban. Ses jambes avaient gardé le souvenir de l'escalier qu'elles avaient monté plus d'une fois, et elles le conduisirent au second étage, où sa main, qui se souvenait aussi, n'eut qu'à tirer un pied de biche, dont les poils graisseux lui avaient laissé une impression de dégoût qui persistait encore et qui, bien des fois depuis, lui avait fait secouer ses doigts. Il fallut qu'il le tirât plusieurs fois, ce pied de biche, avant qu'on répondît à son appel. Enfin, la porte s'ouvrit, ou plutôt s'entr'ouvrit, une chaîne de sûreté la retenant à l'intérieur et ne permettant pas un envahissement violent dans ce très modeste logement où se remuaient des millions. Dans l'entrebâillement se montra une jeune femme, une jeune fille, quelque chose comme une servante maîtresse qui évidemment venait d'être troublée dans son sommeil et qui arrivait à la hâte pour voir si le feu était à la maison. En apercevant Robert, elle recula d'un air de mauvaise humeur et elle acheva de boutonner sa camisole. « Monsieur Carban, » demanda Robert, « c'est pour ça que vous réveillez les gens, vous ? J'ai besoin de le voir tout de suite. Il dort. « Éveillez-le. Jamais de la vie. » Elle fit mine de refermer la porte, mais en voyant Robert fouiller dans la poche de son gilet, elle s'arrêta et elle attendit. Il lui tendit un louis. Elle le prit et le garda dans sa main fermée, car elle n'avait pas de poche. Cependant, elle ne décrocha pas la chaîne. « C'est pour affaire, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. « Une affaire pressante. » « Enfin, pour lui demander de l'argent, n'est-ce pas ?» Robert n'était pas habitué à se laisser ainsi interroger. Cependant, il se contint. « Oui, » dit-il. « Eh bien, monsieur, je vais vous gagner votre louis que vous ne m'aurez pas donné pour rien. Si vous tenez à avoir votre argent, ne réveillez pas monsieur, parce que, voyez-vous, quand on le fait lever avant son heure, il mettrait le bon Dieu à la porte. Il est comme ça. Mais tout retard est impossible, il le comprendra. Il ne comprendra rien du tout. « Parce qu'il ne vous écoutera seulement pas. Je vous dis qu'il est comme ça, croyez-moi. » C'était là une raison à laquelle il fallait malgré tout se rendre, car c'eût été une trop grosse imprudence de s'exposer à fâcher Carban. Où aller si celui-là refusait d'ouvrir sa bourse ?« Mais enfin, quelle est son heure ?» demanda Robert. « Pas avant 9h. »« Je viendrai à 8h15. »« C'est ça, je vous ferai entrer et vous attendrai. » Et cette fois, elle lui poussa la porte au nez. Que faire pour passer le temps? Il marcha droit devant lui, et comme une petite pluie commençait à tomber, il entra dans un café qui venait d'ouvrir ses volets. Il était là depuis assez longtemps déjà, regardant sans les voir les garçons faire leur ménage, lorsqu'on vint s'asseoir à sa table devant lui. Surpris, il leva les yeux sur ce nouveau venu, qui lui tendait la main. C'était un journaliste, plus bohème et faiseur que journaliste cependant, avec qui il s'était rencontré quelquefois, mais sans avoir jamais eu de relations suivies avec lui. « Vous savez donc que c'est ici seulement, dit-il, qu'on vous sert du café fait le matin même et non celui du soir réchauffé ?»« Non. » »« Ah, je l'ai cru en vous voyant là par ailleurs. » »« Et vous, c'est pour cela que vous venez ?»« Pour cela, oui, et pour lire les journaux. » Parce que vous savez qu'en se levant matin et en lisant bien les journaux, il faut vraiment avoir peu de chance si l'on ne trouve pas le moyen de gagner 500 francs dans sa journée. » Et il lui développa cet axiome qui n'avait pas grand intérêt pour Robert, puisque ce n'était pas 500 francs qu'il devait trouver dans sa journée, mais bien 300 000, ce qui était une autre affaire. Cependant, cela lui fit passer le temps. 8h30 arrivèrent. Il retourna rue Saint-Marc. La chaîne de la porte était décrochée et il put entrer. Mais Carbon n'était pas encore levé. Il dut attendre dans une petite salle à manger en fumée et en pestant la cuisine, où au bout de 20 ou 25 minutes, Carbon fit son entrée, l'air maussade et grognon. « Ah, c'est vous, monsieur Charlemont » dit-il sans répondre autrement au salut de Robert. « Oui, vous voyez. Je veux dire que c'est vous qui venez dès le matin réveiller les gens. Dans la haute banque, on s'imagine donc que ceux de la petite banque n'ont pas besoin de dormir. Ils en ont d'autant plus besoin qu'ils ont plus de mal. Nous gagnons notre argent nous-mêmes, nous autres, et nous n'avons pas un tas de pauvres diables qui travaillent pour nous. » Robert, que l'accueil de Carbon avait déjà mal disposé, fut suffoqué par ce rapprochement de la petite banque et de la haute banque. Ce coquin se comparer à son père, c'était trop fort. Cependant, il retint sa colère. Et au lieu de dire ce qui lui venait aux lèvres, il se tut. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Carbon. « De l'argent, m'a dit ma bonne. »« Oui, justement. »« Vous avez joué et vous avez perdu ?»« Non. »« Alors, que voulez-vous faire de cet argent ?»« Payer une dette. »« Et c'est pour ça que vous venez carillonner le matin à la porte des gens ?»« Voyons, jeune homme, ça n'est pas si pressé que ça de payer une dette. »« Vous croyez ?»« Dame, c'est sûr. » Je ne pense pas comme vous. Autrefois, quand les jeunes gens arrivaient, accompagnés des gardes du commerce qui les conduisaient à Clichy, certainement ça pressait, et il fallait se lever. Mais maintenant, on a le temps de se retourner, que diable. Voyons, de quoi s'agit-il? Quelle est cette dette? 300 000 francs que je dois payer avant samedi. Carbon ôta sa calotte de velours, et saluant avec ironie, tous mes compliments, monsieur Charlemont, vous allez bien? « Oh, mais très bien. 200 000 francs il y a 3 mois. 300 000 francs aujourd'hui, ça promet. Et vous dites que vous n'avez pas joué ?»« Non. »« Alors, comment devez-vous une pareille somme ?» Robert ne pouvait pas répondre. D'ailleurs, ses interrogations le blessaient. « Je la dois, cela suffit. »« Eh bien non, cela ne suffit pas, attendu que je ne crois pas à cette dette. Que vous vouliez vous procurer 300 000 francs, ça je le crois, puisque vous les cherchez. » Mais que vous les deviez, ça c'est une autre affaire, et je ne le crois pas. Et si vous voulez, je vais vous dire ce qui en est, car c'est d'une simplicité enfantine. Vous avez une maîtresse. Mais monsieur, vous avez une maîtresse que vous aimez passionnément, et qui profite de cette passion pour vous tirer une carotte de 300 000 francs, comme elle vous en a déjà tiré une de 200 000, sans compter celle que je ne connais pas. Eh bien, mon jeune monsieur, voulez-vous l'avis d'un homme qui a une certaine expérience et qui en a vu de toutes les couleurs? Cet avis est qu'on vous met dedans, défiez-vous. C'est de votre argent que j'ai besoin, non de vos avis, dit Robert exaspéré. Et qui est-ce qui prétend qu'il n'y a plus de jeunes gens? S'écria Carbon. Comment? Vous me devez déjà 300 000 francs et vous vous imaginez que je vais consentir à ce que vous m'en deviez de nouveau 450 ou 500 000? C'est-à-dire, au total, 800 000 francs? Mais vous me prenez donc pour un fou? Ou bien vous n'avez donc jamais lu le code au titre de la minorité que vous venez me proposer gaillardement d'accepter un pareil risque? Vous savez bien que ma fortune est plus que suffisante pour couvrir ce risque et que cette fortune ne peut pas m'échapper. Si vous êtes vivant à l'époque de votre majorité, oui, mais si vous êtes mort... Et notez qu'un homme qui donne à une femme 500 000 francs en 3 mois a bien des chances pour mourir de plaisir ou de chagrin. Je vous fais un testament qui serait annulé haut la main, et puis quand même il ne le serait pas, ça n'est pas une garantie. Je ne veux rien vous dire de blessant, mais vous savez comme moi qu'un testament ça se révoque, et que celui que vous me feriez ce matin, vous pourriez le révoquer ce soir. Non, voyez-vous, l'affaire n'est pas faisable. Je vous souscrirai pour Il hésita un moment. 500 000 francs de valeur. Carban secoua la tête. 600 000. Vous m'offririez 1 000 000 que je le refuserais. Vous devez bien comprendre que l'affaire n'est pas faisable. Vous l'avez bien faite une première fois. C'est justement pour ça que je ne veux pas la faire une seconde. D'ailleurs, vous avez un bien mauvais chien à la tête des affaires de la maison de votre père. Fourcy qui a pris ses précautions. Et ce que je vous dis, tout autre à qui vous vous adresserez vous le répétera. Tout fut inutile, et à 9 heures du soir, Robert rentra à Nogent, n'ayant pas mieux réussi auprès de ceux auxquels il s'adressa qu'il n'avait réussi auprès de Carban. Partout la même réponse. L'affaire n'était pas faisable. « Monsieur votre père vous a attendu une partie de la journée ?» dit Fourcy. « Je n'ai pas pu le voir. » Et il tâcha de parler d'autre chose. À un certain moment, il se trouva isolé dans un coin du salon avec Madame Fourcy. « Je te verrai cette nuit, » dit-elle vivement à voix basse. « Attends-moi. » Il la regarda stupéfait. Elle lui avait déjà tourné le dos. Que s'était-il donc passé ?